essentiel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Que nem sei se voa tanto quanto nós voava. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vão aguentar o tempo que vou cá ficar. Eh bien, bonjour à tous et bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de excellentes fêtes, que vous êtes bien amusés, bien fêtés. Et on commence cette deuxième émission et cette première émission de 2024. Alors, malheureusement, il n'y a pas Lola aujourd'hui, mais on l'espère qu'elle sera là la semaine prochaine. Donc, on est parti pour notre émission. Cette semaine, le thème de notre émission est le début d'année. Donc, on écoutera les titres qui vous mettent de bonne humeur pour commencer cette magnifique année, les titres qu'on peut découvrir maintenant déjà, qui sont sortis pour l'année 2024. On commence cette émission ? Avec de bonnes musiques pour nous mettre dans l'ambiance de cette année. On débute donc notre nouvelle année. Et quelles sont vos résolutions ? Moi, mes résolutions sont de commencer l'année, d'être bien organisé et de réussir mon année de terminale, donc le bac. Et bien sûr, le code, que j'espère l'avoir bientôt aussi. Et vous, quelles sont vos résolutions ? Appelez-moi pour dire vos résolutions, s'ils sont spéciales ou originales, au 02 38 43 48 00. Mueve

Et nous avons une autre résolution de la part de Sandra. Tout d'abord, elle souhaite une bonne année et une bonne santé à toute sa famille et qu'ils réussissent tous dans leurs projets personnels ou de travail. Sa résolution, c'est de faire plus de sport et d'y réussir. On l'encourage. Et pour cela, on écoute une musique où elle a dit qu'elle s'ambiançait tous les matins pour aller au travail. J'espère que vous allez vous ambiancer aussi si vous rentrez de travail ou vous allez faire vos courses ou vous promener. Et cette musique, elle écoutera aussi pour son sport. C'est dommage pour mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé. Même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher, mais y'a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps, elle parle d'amour, elle veut que j'aime tout pour nous. Tu connais bon qu'à ça, hein, tu connais bon qu'à ça, hein, tu connais bon qu'à ça, ouais, tu connais bon qu'à ça, ouais, oh. J'arrivais tout s'éteint, tout est plein, vis en un, je suis pas au malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler, je suis légendaire qu'on peut calé, c'est pas comme ça. C'est pas avec amour qu'on achète des témoins. C'est dommage que mon ex était chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Avec une musique de Mikolasan de la série Netflix Desperados. Wake me up, stay for a while. I just want that this never will stop. Killing my heartbeat, counting my heartbeats. Hey. Every minute and second you're with me. Is this for real? I gotta know what the sound in my body reveals. Counting my heartbeat, counting my heartbeats. Hey. Every minute and second you're with me. Oh yeah. Appelle le 02 38 43 48 00. Ensemble jusqu'à 18h. Alors pour ça, n'hésitez pas à m'appeler au 02 38 43 48 00 pour me soumettre vos résolutions de l'année 2024 et les musiques que vous avez envie d'écouter pour commencer cette belle année. Nous sommes en compagnie de Ricardo. Bonjour. Ah, bon. bonjour Ricardo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tout va bien, ça marche? Oui. Ok. Non. Alors, quelles sont vos résolutions? Bah, mes résolutions, de souhaiter une bonne santé à tout le monde, déjà. Oui. Et la paix dans le monde. C'est ce qu'on souhaite tous, je pense. J'espère que vous passez une bonne émission en notre compagnie, en tout cas. Ben, c'est déjà la deuxième fois que j'écoute et ben, j'apprécie une bonne ambiance la semaine dernière. Et puis j'espère que ça continuera parce que je trouve que c'est sympathique. Merci beaucoup. Je l'écoute en travaillant et ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Bonne année à vous. Mais meilleurs vœux, oui, à tout le monde surtout. Et que tout se passe bien pour tout le monde. Merci beaucoup et bonne écoute. Et puis bonne continuation à vous. Et c'est bien ce que vous faites, j'aime bien, j'apprécie. Donc j'espère que ça continuera. Bah, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation alors. À vous aussi, une bonne année. Merci encore. Au revoir. Au revoir. É de vampiro, dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, amor, me dê ouvidos. Por favor, me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher, por favor. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Comme Ricardo ou toutes les autres personnes qui m'ont appelé au début pour dire leur résolution et mettre leur musique, on pourra être en ligne ou je vous ferai passer votre message. I'm gonna drive all night to make you feel alright. I'm gonna drive all day to make you feel okay. I wanna touch your body, I wanna feel you close. I wanna make you mine, I wanna give you love. fazer incêndios de paixão, chegar, amar, jogos de sedução, fazer prazer, o tempo vai parar. Eu e tu, a lua e o mar. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo, perdidos de amor. Ai, ai, ai, faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo, sentir o teu calor. Ai, ai, ai, faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo, perdidos de amor. Ai, ai, ai, faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo, sentir o teu calor. Ai, ai, ai, ai. I wanna be with you. I wanna be with you. I'm coming. I'm coming. Yeah. Yeah. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo, perdidos de amor. Just a little bit, just a little bit. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo, sentir o teu calor. Come on, baby. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo, perdidos de amor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo, sentir o teu calor. Ai, ai, ai. Faz. Me va a enloquecer. Estoy perdido y no sé qué hacer. Y me ha dejado una huella. Me paso hablando de a las estrellas. Hay que le digan que yo sin ella creo que voy a enloquecer. Quisiera saber que de una vez, porque de mí ella se fue. Si un día la ve, pregúntenle si conmigo quiere volver. J'espère que vous passez une excellente début d'émission en ma compagnie. Nous sommes tous ensemble réunis jusqu'à 18h pour l'émission avec vous. Et n'hésitez pas à m'appeler pour dire quelles sont les musiques qui vous donnent envie de commencer cette belle année 2024. Avec Corazón Dividido de Tania.

pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Muévete, fue. No, pues que muy tragadito. Contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me duele. Ni quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía, buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Que muy tragadito. Yo estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the jumps. Mi amor, es que usted se alejó mucho y ya de lejos no veo bebé. Te cógeme. Découvrez de Karol G et de la célèbre Shakira, une musique incontournable et mondiale maintenant, qui a été remerciée par de nombreux awards. On continue avec une dédicace de Rico pour Karine et ses parents Guillermino et Grace. Il leur souhaite une bonne année, une bonne santé, et on leur souhaite aussi une bonne année et une bonne santé. On écoute Mi Corazón Samba Por Ti de Bobon Cash. Ve que él es feliz. encontrar. Com esse teu jeito já me estás a provocar. Esta mulher é um perigo e te camelo, sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. E quero bailar, quero bailar contigo. Quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo una vez más. Y no hay. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar contigo una vez más. Y no. De m'appeler si vous avez le temps, une petite minute, quand vous prenez de la voiture, non, enfin, pas au volant justement, quand vous m'écoutez peut-être, au 02 38 43 48 00. Yeah.

chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Não vejo um futuro contigo. O meu coração tá partido. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Pode nem resultar, mas é que é isso que eu quero. A vida é mesmo assim, aprendi com os meus erros. Só costumo cobiçar aquilo que não tenho. Agora que foste embora, vejo o meu empenho. Foste embora, mas tu levaste um bocado de mim. Nossa história não é de agora, então não acaba aqui. Como é que é suposto um gajo equilibrar-se assim? Tanto a fazer tanta falta que hoje eu não dormi. Sinto saudade. Sinto saudade. Desculpa ter aparecido. Devia ter ligado. Senti saudade. Sinto saudade. Desculpa ter aparecido e não ter avisado. Já não faz sentido. Não vejo um futuro contigo. O meu coração tá partido. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Se eu fizer a FaceTime e balançar, esse é o teu ponto fraco. É minha promoção. Meu corpo é dose de caos na tua calça. E tu não podes tocar, é tua calção. Reações nas tuas calças. Baby, dá para ver que o teu corpo não está de acordo. Tu disseste que eu dava trabalho a mais. Olha quantos voluntários querem trabalhar agora. Como eu estou, querem ter na prática. Tu investes a ficar vingativa. Então esta é a minha after party. O teu amor já coube no meu peito. O teu anel já coube no meu dedo. Mas a caminho do altar eu joguei. Bem me quer, mal me quer. Com as pétalas do bouquet. E entendi que já não faz sentido. Não vejo um futuro contigo. O meu coração está a partir. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar. Sinto saudade. Quiero rayos de sol. Difícil de olvidar. Escúchame, mami, linda. on continue avec une petite dédicace de Madame Fourneau pour son chéri. Elle lui souhaite tout d'abord une très bonne année 2024. Et elle le remercie d'être toujours là dans les bons comme les mauvais moments. On écoute une musique d'amour, Te Amo de Kalima. Sabes que eu te amo. Não espero ver mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. De como foi um bobo que te perdi por tão pouco. Et faites comme Madame Fourneau, appelez-nous pour annoncer vos souhaits, vos vœux pour votre chéri, votre mari, lui souhaiter une très bonne année 2024. Et en parlant d'amour, nous avons un bal des amoureux très bientôt, le 3 février. Un bal de Zéamar et ses musiciens, et le bal aussi sera animé par DJ Monk. Bon, du coup, on écoute Zéamar. Convidar uma menina, seja loira ou moreninha, quero é beber e dançar. Quero vestir-me a preceito, pode ter chapéu a não faltar. Pôr o meu cinto de couro e Et la prochaine musique est pour de la part de Alexa, une dédicace pour son frère qu'elle aime tellement. Donc moi, et elle me souhaite une très bonne année, et je souhaite une très bonne année. Je t'aime, ma petite sœur. Et du coup, on écoute une musique qu'elle adore. Down a minha vida outra cor. La prochaine musique est une dédicace de Madame Moutinho, une auditrice très fidèle. Elle souhaite à tous les auditeurs ainsi qu'à tous les animateurs qui sont là pour vous proposer des émissions toute la semaine. Elle nous souhaite une très bonne année 2024 et on la remercie. On lui souhaite aussi une très bonne année 2024. Pour cela, on va écouter Neemanus Kuduro. Neemanus. dança. É que o duro vais curtir, porque balança, ninguém consegue sair. É ritmo novo, vem o sabor do verão. Entra na dança, faz ouvir o coração. Encosta bem a mim, a sentir o teu calor. Com esse jeito assim, não há nada melhor. Essa cintura mexe, mexe igual eu nunca vi. Eu tô doido com tudo, eu sou todo para ti. Avec une dédicace de la part de Lorenzo et de Nolan pour sa maman Jennifer. Il leur souhaite plein d'amour et de gros bisous et une très bonne année. On lui souhaite une très bonne année. Et pour cela, on va écouter Jérusalem. Jerusalema, ikayalami, ilo noloze, uhambe nami, sumangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilo noloze, uhambe nami, sumangishilana. Oyami, alikolana, buso wami, aukolana, kilo noloze, suhambe nami. Oyami, alikolana, buso wami, aukolana, kilo noloze.

Et pour continuer, on écoute avec un groupe pas mondialement connu, mais sur la région Orléans, réellement connu, Capanera. On écoute Tuyo de Marilyn et Katia. Sácala, tómala. hablar, que te hago llorar. Et bientôt, qui dit début d'année dit Galette des Rois. Et oui, c'est un grand rendez-vous incontournable du début d'année. Avec ses célèbres Galette des Rois au chocolat, au frangipane, à la poire. Maintenant, il y a de tous les goûts. Cette fête a lieu maintenant samedi prochain, le 6 janvier. Alors, j'espère que vous allez manger de bonnes galettes. Et bah, quels sont vos goûts ? Que vous allez manger et quels sont peut-être des goûts spéciaux. Et oui,

Bonne fin d'après-midi à tous. Bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques qui se chantent et qui se dansent. C'est Violette en votre compagnie. Une très très belle année 2024 à tous. Qu'elle soit douce et sereine au maximum, qu'elle vous permette d'exaucer une partie de vos vœux. On va être assez modeste. Et puis qu'elle nous permette, si vous êtes comme moi, amateur de musique traditionnelle et de bal, et bien qu'elle nous permette de nous retrouver dans de nombreux bals. Et il y en a déjà un certain nombre qui sont prévus pour le mois de janvier et le mois de février. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Ce sera aux alentours de 19h pour la page sortie. On a commencé de manière très énergique avec l'album Rock de la formation Force Penaos, et c'était tout simplement un titre qui s'appelait Cost comme le Costaruata. Nous sommes au début de l'année, alors tout de même quelques titres pour évoquer cette nouvelle année. Voici la formation Triane et le titre Eguinané. Voici donc Triane. Bonjour à vous, gens de cette maison. Ouvrez la porte au coup de nos bâtons. Ouvrez le cidre, le vin du buvon. Donnez que germe pour vous la moisson. À votre porte, sommes pauvres rassemblés. À notre suite, syndiqués jurés. À votre table, sont bourgeois en assemblée. À notre tête, couronne et laurier. Et ouvrez charrier, vous serez banni. Hé, hé, Guinané. Le vent déchire nos pauvres amis. Hé, hé, Guinané. Et à notre tête, la cloche à Saint-Poissonné. À nos chevaux, on porte la régimier. À nos violons, même plein de sa foi glacée. À nos couplets, vous vous êtes cachés. J'ai tant cherché ce jour et tant pleuré tant mou. Mon visage n'a jamais, jamais lavé. J'ai tant crié ce jour, j'ai tant frappé tant mou. L'en est lié, l'en est lié, l'en est lié. traditionnelle sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel chaque mercredi de 18h à 19h30. On reprend les bonnes habitudes et on repart faire un petit tour du côté de la Louisiane ou du Québec avec la formation Beau Soleil. C'est plutôt la Louisiane avec Beau Soleil. Et le titre Bonne année, voici Michael Doucet. vous une très très belle année à tous, comme le disait cette chanson. Et puisque je vous avais parlé du Québec, eh bien allons-y faire un petit tour avec La Bottine Souriante et le titre La Cuisinière. C'est probablement le seul groupe qui est capable de chanter une chanson de jour le nom plein mois de juillet quand il fait à peu près 100 degrés. Mesdames et messieurs, chanson de jour la reine, à même, la même, la même belle. Après ce petit quart d'heure passé à fêter la nouvelle année, revenons à ce qui est le thème principal de l'émission, c'est-à-dire principalement la danse. Un groupe qu'on avait découvert il y a quelques années et leur premier album avait fait un carton. Ils sont devenus un des groupes favoris dans le domaine des fest-noz et de la danse bretonne. Voici la formation Fleuve avec une danse pline. la formation Fleuve. On poursuit avec Stone Age, une vidéo qui est sortie à la fin du mois de décembre. Ça s'appelle Le Dragon de Nose Art. Voici donc la formation Stone Age. Formation que vous aviez peut-être écoutée comme moi dans les années 90, c'est la formation Stone Age qui est revenue il y a 2 ans avec un nouvel album. On poursuit, on change un petit peu d'ambiance et on va aller plus dans la douceur avec la formation Mr. Clough et une suite de valses. Voici la valse des rosiers. Thank you. la formation Mr. Clough, dont les membres se sont séparés en 2021. Autre formation qui est actuellement aussi en pause, peut-être les retrouverons-nous dans quelques temps, c'est la formation Projet Chinéar. Voici le titre, Usul Senbar. avec les fêtes de fin d'année, eh bien, ça fait quelques semaines que je n'ai rien reçu de nouveau à vous proposer. Une des dernières sorties de l'année 2023, c'était la formation La Sauterelle avec l'album Le DJ et le Bouvier. Et voici le titre Derrière chez mon père. Voici la formation La Sauterelle. Derrière chez mon père, les roses blancs là sont fleuries. Derrière les rosiers, il y a un petit bouet. Derrière chez mon père, les roses blancs là sont fleuries. Derrière les rosiers, il y a un petit bouet. Derrière de chez mon père, j'ai fait la ridonne. Derrière de chez mon père, les roses sont fleuries. Derrière de chez mon père, j'ai fait la ridaine. Derrière de chez mon père, il y a un petit bouet. Dormit dans du bouet, il y a une clairière jolie. Dans cette clairière, il y a une musique. Et dans le mi-temps du bouet, j'ai pas la ridaine. Dans le mi-temps du bouet, il y a une musique. Et dans cette musique, il y a une odeur de folie. Dans cette folie, il y a de la sagesse. Il y a une odeur de folie. Et dans cette jolie musique, j'ai pas la ridaine. Dans cette jolie musique, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse. Fayagur et Biquet de leur nom de scène Gurvan et Alexandre dans La Vie de tous les jours sont respectivement le Bouvier et le DJ. Et c'était le titre Derrière de chez mon père. Et puisque ça parlait d'amour, eh bien poursuivons avec la formation Entrée d'Hip-Hop, autre formation qui n'existe plus mais qui a laissé son album. Voici une mazurka pour la douceur et ça s'appelle Pour toi mon amour. Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour, pour toi. Et je suis allée au marché aux fleurs et j'y ai acheté des fleurs pour toi, mon amour, pour toi. Je suis allée au marché à la ferraille, j'ai acheté des chaînes, des lourdes chaînes pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux oiseaux, j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour, pour toi. Je suis allée au marché aux fleurs et j'y ai acheté des fleurs pour toi, mon amour, pour toi. Je suis allée au marché aux esclaves et je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Où t'étais, mon amour? Je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Où t'étais, mon amour? Thank you. Attention, tous les cadeaux ne sont pas bons à prendre. Les fleurs, d'accord, les lourdes chaînes, peut-être pas. On va terminer cette première heure, ou en tout cas aller tout doucement vers 19h, vers les idées de sortie, avec les ogres de Barbac et le bal Broto-Lopez. Et le titre, c'est peut-être... És el veleu musat, fang i tamborina, amb l'ús fil sarasat, sul plat de la cosina. Ja mai ho saurem pas, el cari del col·legi, a ruperà pas o pas, és fut per solfegi. Peut-être Colette, la gamine penchée, qui recompte en cachette du fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. Jacques, néné, un bon bestio qui fa buta sur le lac, sa bouche en bino veno, jamais nous saurait pas, ne fera nul ma sou. Adieu, bora, bora, esmura trurisou. C'est peut-être Jésus, l'enfant de la tour neuf, qui a volé au prisu un gros œuf ou un bœuf. On le saura jamais, pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège. C'était en 2021, les ogres de Barbac et le bal Broto-Lopez. Allez, il nous reste quelques toutes petites minutes pour aller jusqu'à 19h. Voici Radio Tutti et Barilla Sisters pour terminer cette première heure. Cantaria Rodeo. Le retour de vos idées de sortie, et ça commence ce dimanche 7 janvier dans le Loir-et-Cher, un bal trad à Mont-Préchambord avec les pieds dans la casserole, les pieds dans les bretelles, et c'est l'atelier de la casserole qui vous propose ce bal. Samedi 13 janvier, c'est un bal du côté de Saint-Cyr-en-Val avec Saint-Cyr-les-Folles qu'on pourra danser breton. Dans une partie fest-noz avec la formation Haroun et ensuite la formation Kiss on a Frog. Le bal du Triton Fringant, c'est le dimanche 14 janvier dans le Loir-et-Cher à la Marolle en Sologne. Et toujours pour ce 14 janvier, mais cette fois-ci à Souvigny en Sologne, c'est un après-midi Louisiane, un après-midi Cajun qui vous sera proposé avec différentes formations et on pourra y aller déguisé, donc à Souvigny en Sologne le 14 janvier. Vendredi 19 janvier dans l'Eure-et-Loire, c'est à... je ne sais pas exactement où c'est dans l'Eure-et-Loire, je vais vous trouver l'information, c'est à Orouet. Et c'est un bal avec Tiené Simonin qui vous est proposé à partir de 20h, donc dans l'Eure-et-Loire. Et le samedi 20 janvier, concert et bal folk toujours dans l'Eure-et-Loire à Bonneval avec Folk en Vrac. Du côté d'Orléans, la sélection Les Inouïs du Printemps de Bourges avec une formation peut-être à découvrir qui s'appelle La Ciguë. Et puis également pour le samedi 20 janvier, le bal folk d'Amnesty Orléans. C'est à Saint-Jean-de-Bray à partir de 21h. Taffambal et les petits buvards. Et une initiation aux danses sur inscription pendant l'après-midi. L'inscription se fait sur le site de Amnesty International, Amnesty Orléans. C'était la formation Frères de Sac en quartet, extrait de l'album S'il vous plaît. Voici maintenant un petit tour par le Pays Basque avec la formation Koronchi. Thank you. Changement d'ambiance. On retrouve maintenant les petits buvards. Je vous les ai annoncés pour le 20 janvier prochain du côté de Saint-Jean-de-Bray pour le bal d'Amnesty. Et les petits buvards nous proposent beaucoup de danses qui nous emmènent soit vers les pays de l'Est ou vers la Grèce. Voici le titre Peratouste. Si vous ne connaissez pas bien ces danses, et c'est là que ça vaut peut-être la peine de vous inscrire pour aller faire un petit tour au stage qui est proposé l'après-midi, à l'initiation proposée l'après-midi. Voici un morceau qui nous emmène du côté de la Grèce, Peratouste, les petits buvards. Formation que vous pourrez retrouver prochainement, c'est la formation Skolvent. Ce sera dans le cadre du bal à Gaston, début février, le premier samedi de février. Voici Skolvent avec le titre « Sous les lampions ». Colvan, début février du côté de Main-sur-Loire au Bal à Gaston. C'était un titre de 2018. 10 ans plus tôt, c'est avec ce titre en particulier que j'ai découvert Cécile Corbel. Voici le titre « La fille d'année ». C'était en 2008. C'était mamie Nanette, vous l'ont mémé. Elle s'était mise au caillou volant au blé. Elle s'était mise au caillou volant au blé. Si tu te mets caillou volant au blé. blé. Aussi tu te m'écailles volant au blé. Je me mettrai chasseur pour me te chasser. Je me mettrai chasseur pour te chasser. Si tu te mets chasseur pour me chasser. Si tu te mets chasseur pour me chasser. Je me mettrai rose sur un rosier. Je me mettrai rose sur un rosier. Si tu te mets rose sur un rosier, ou si tu te mets rose sur un rosier, je me mettrai cueilleur pour me te cueillir. Je me mettrai cueilleur pour te cueillir. C'était la première émission de cette année 2024. À nouveau, je vous adresse tous mes vœux pour que votre année soit belle et si possible musicale. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, retrouver de belles sorties d'albums et de nombreux bals sympathiques pour se retrouver. On va se quitter avec la tradition des fêtes. Puisque les rois mages sont en chemin et dans certains pays c'est eux qui sont fêtés le 6 janvier et qui apportent les cadeaux, ils sont en chemin, donc voici We Three Kings, la formation Black Hawk. Excellente soirée à vous sur le 96.2 et à très bientôt mercredi prochain si tout va bien. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and